Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 48. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin le dimanche 15 octobre 2006, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es Détroit de Gibraltar, tu es la Belle de Cadix, tu es Antonio Banderas, tu es France-Allemagne 82, tu es Flamenco et tu es aussi... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ya ves muy bien. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es Andalou sur les rives du Guadalquivir. L'an passé, le gouvernement espagnol de M. Zapatero a régularisé 600 000 étrangers sur son territoire national. Nous, cette année, M. Sarkozy a régularisé 6 924 personnes, deux salles, deux ambiances. Alors, à l'heure où il a fallu de si longues et si pénibles semaines pour sortir du squat de Cachan, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, en 53 minutes, d'aller explorer cette terre de mixité qu'est l'Andalousie, où coexiste depuis des siècles la culture des chrétiens, des juifs et des musulmans. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée, mais toujours décalée, celle de l'Andalousie. Et pour commencer, du califat de Cordoue aux poésies de Garcia Lorca, il faut tenter de décrypter ce que sont en réalité les Andalousies. Ensuite, nous nous intéresserons aux différents personnages que tu peux croiser dans cette région du sud de l'Espagne. On enchaînera justement sur une petite surprise de Jean-Paul Belmondo et Jean Gabin, qui viendront nous raconter à leur manière, bien sûr, ce qu'est un authentique matador. Et puis, dans la foulée, nous te dévoilerons les coulisses secrètes de ce bref séjour en Espagne qu'a effectué Nicolas Sarkozy il y a 15 jours. Et enfin, te raconter ce voyage sous le soleil de Séville, organisé par Monique pour Jean-Claude le week-end dernier. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien, et le décollage est imminent. Allez! C'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et comme un roi, entre dans l'arène. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar. Cocina, me gustas de la mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué corazón, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gusta. Me gustas tu, c'est ce que chante en 2001 le baladin Manu Chao sur son album intitulé Proxima Estación Esperanza. Parce qu'aujourd'hui, pour les téméraires africains qui risquent leur vie en traversant le détroit de Gibraltar à la recherche d'une vie meilleure, la prochaine station, c'est bien souvent là aussi l'espoir, mais déçu. Alors, cette semaine, la panique, toujours en direct du Mangin Palace, a donc décidé de consacrer une émission à l'Andalousie, cette région à la périphérie de l'Europe, une terre aux multiples héritages et au passé bien souvent fantasmé. Si j'ai le mal d'un pays aujourd'hui, c'est de celui dont nous parle le livre, de cette époque où il faisait bon vivre, que sont devenus mes Andalousies. Que sont devenus nos Andalousies ? Eh bien, pour répondre à Enrico, l'Andalousie, c'est aujourd'hui l'une des 17 communautés autonomes d'Espagne, mais c'est surtout une terre de contraste et de mélange. Ainsi, le poète espagnol sans doute le plus célèbre dans le monde, c'est l'Andalou Federico García Lorca. Car si l'Andalousie est un condensé de toutes les Espagnes, l'œuvre de Lorca respire cette pluralité d'héritage. Et en magnifiant l'Andalousie, Lorca chante l'Espagne tout entière. Federico García Lorca est né à Fuentevaqueros, pas loin de Grenade, en 1898, l'année même où l'Espagne perdit après une courte guerre contre les États-Unis sa dernière possession américaine, à savoir Cuba. La fin d'une aventure qui avait commencé ici même en Andalousie, 4 siècles plus tôt. En admettant que vous traversiez cet océan et que vous réussissiez à gagner l'Asie, que ferait l'Espagne dans ces contrées ? Du négoce, votre Excellence. N'y a-t-il que cela qui vous intéresse ? L'or ? Non. J'apporterai à ces gens la parole divine et j'en ferai de bons et loyaux sujets de Castille et d'Aragon. Au lieu d'un simple royaume, l'Espagne deviendra un empire. L'empire espagnol s'effondre donc définitivement en 1898 avec la perte de Cuba. L'Espagne se replie alors sur elle-même et c'est dans ce contexte que Lorca réinvente le passé glorieux de l'Andalousie, cette Andalousie qui a vu cohabiter pendant plusieurs siècles les musulmans, les chrétiens et les juifs. Ainsi, en 1922, à Grenade, Lorca organise un concours pour retrouver l'esprit du flamenco originel, celui du peuple. Lorca est alors à la recherche de l'identité profonde de l'Andalousie, une identité qui passe le plus souvent par la musique. Le flamenco et plus généralement la musique arabo-andalouse, par ses multiples origines, inscrit l'Espagne du Sud à la croisée de plusieurs civilisations. L'Andalousie médiévale fut multiculturelle, mais il ne faut pas oublier que les contacts entre les civilisations engendrent à la fois, et c'est un paradoxe, une richesse créative et des fanatismes en tout genre. C'est la première fois que la sécurité intérieure du royaume des Almohades est menacée. Quelles mesures avez-vous prises ? Toi, le grand juge Averroès, et toi, mon frère, gouverneur de Cordoue. Le mal vient de ceux qui se servent de la religion. Tu ne fais rien pour les empêcher de nuire. Dans les mosquées, on ne voit plus qu'eux, et les fidèles n'écoutent plus que leurs prêches. Sans doute aiment-ils plus leur éloquence que la tienne. Ce sont des hommes de foi. Dis plutôt qu'ils en font commerce et qu'ils sont d'habiles manipulateurs. Dans le passé, ils se sont servis des victoires arabes pour accroître leur pouvoir. Aujourd'hui, ils parlent au nom de la religion, et demain, ils trouveront autre chose pour servir leurs intérêts. Ton fatras philosophique me fatigue. À supposer que tu dises vrai, ni eux, ni personne ne peut ébranler mon royaume. Il y a un vrai danger. L'Andalousie, comme n'importe quel pays, est menacée par ces fanatiques sans scrupules. La cohabitation de toutes les communautés, musulmanes, chrétiennes, juives et gitanes, a pu se faire plus ou moins facilement pendant plusieurs siècles. Mais la chute de Grenade en 1492 marque la fin de la présence arabe en Andalousie et le début d'une certaine intolérance. Les juifs sont alors chassés d'Espagne et les conversions deviennent obligatoires. Et gare à celui qui s'écarte du droit chemin catholique romain. Le tribunal de l'Inquisition a condamné l'hérétique, ainsi que toutes ses œuvres, à être brûlé sur le bûcher pour s'être détourné de la voie du Seigneur Jésus et pour avoir traduit les œuvres de l'hérétique Averroès. Et oui, après la Reconquista, ça chauffe pour les hérétiques dans le royaume d'Espagne, tout comme ça chauffe pour les républicains après le coup de force du général Franco. En effet, en juillet 1936, les troupes nationalistes et fascisantes se soulèvent contre la jeune République espagnole et contrôlent très vite Grenade et Séville. Au tout premier jour de la guerre civile, il n'est pas bon d'être poète face aux milices franquistes. Federico Garcia, les lauriers ont pâli, camarades, le jour se lève sur Grenade. La pierre est froide et la campagne garde les yeux clos. De noirs taureaux font mugir la montagne, garde les yeux clos. Et vous, gitans, serrez bien vos compagnes au creux des lits chauds. Ton sang inonde la terre d'Espagne, ô Federico. Eh oui, si Lorca fut le chantre de la liberté et de l'Andalousie multiculturelle, Franco, lui, fut sans conteste le chancre de l'Espagne. Le poète fut assassiné en 1936 et les œuvres de Lorca furent interdites jusqu'en 1953. Mais ce n'est qu'après 1975 que le poète put être relu dans une Espagne qui respirait à nouveau. Il était temps. Le général Franco repose désormais dans la crypte souterraine de la vallée de Los Caídos, la vallée de la mort, au milieu des soldats nationalistes tombés pendant la guerre civile et tout près de José Antonio Primo de Rivera, le fondateur de la Falange. Mais auparavant, Madrid a rendu ce matin un dernier et solennel hommage au caudillo, Madrid d'où nous appelle l'un de nos envoyés spéciaux, Didier Hadès. Il était 14h11 dans la basilique Santa Cruz de Los Caídos. Le lourd cercueil d'acajou et d'ébène était descendu dans sa tombe à quelques mètres de celle de José Antonio. Le fondateur de la Falange et son fils spirituel Francisco Franco, les deux artisans de la guerre civile, les deux pères de l'Espagne d'aujourd'hui, reposent dans un site à la dimension de leurs espoirs. Hola, tout doux. Franco, père de l'Espagne d'aujourd'hui, ce n'est sans doute pas l'expression qu'auraient employé les centaines de prisonniers républicains forcés, parfois jusqu'à la mort, de construire la sépulture du dictateur Franco. Alors aujourd'hui, l'Espagne a retrouvé la démocratie et l'œuvre de Lorca l'Andalou est plus vivante que jamais. Et s'il faut peut-être nuancer la mystique d'une Andalousie multiculturelle et tolérante, il n'en reste pas moins que c'est cette Andalousie-là, de Grenade à Séville et de Cordoue à Cadix, qui est toujours la plus belle. La belle de Cadix a les yeux de velours. La belle de Cadix vous invite à l'amour. Les cavaliers sont là, si dans la fonda on a franqué le dame. Et pour ces jolis vieux noirs, les hidalgos le soir viennent taper la chasse. Mais malgré son sourire et son air à cachard, la belle de Cadix ne veut pas de Naman. Chica, chica, chica, aïe, aïe, aïe, chica, chica, chica, aïe, aïe, aïe, chica, chica, chica, aïe, aïe, aïe, ne veut pas de Naman. La belle de Cadix a les yeux langoureux. La belle de Cadix a beaucoup d'amoureux. Juanito de Cristobal, tu es bien son rival. Et Pedro le matador, pour les mêmes plus d'accord, donnerait sa fortune. Malgré son sourire et son air engageant, la belle de Cadix ne veut pas de Naman. Chica, chica, chica, aïe, aïe, aïe, chica, chica, chica, aïe, aïe, aïe, chica, chica, chica, aïe, aïe, aïe, ne veut pas de Naman. La belle de Cadix est parmi eux bonjour. La belle de Cadix est parmi Sardou. par un beau clair matin, elle a pris le chemin qui mène à Santa Ovidia. La belle de Cadix n'a jamais eu d'amant. La belle de Cadix est entrée au couvent. Tic à tic, aïe aïe aïe, tic à tic à tic, aïe aïe aïe, tic à tic à tic, aïe aïe aïe. La belle de Cadix, c'est ce que chante dès 1945 le prince de l'opérette Luis Mariano. C'est sans doute ce qu'a dû dire Napoléon Ier lorsque la flotte française fut coulée à Trafalgar le 21 octobre 1805. Ah, elle est belle la marine impériale, à Cadix. Alors, pour continuer notre petite escapade dominicale sur les routes andalouses, après avoir tenté de décrypter ce que sont les Andalousies, il est temps maintenant, toujours en direct du Mangin Palace, de nous intéresser quelques minutes aux personnages que tu peux croiser sur les chemins de cette contrée du sud de l'Espagne. Oui, mon ami, qui sont les Andalous? On estime aujourd'hui que l'Andalousie compte à peu près 13 millions d'habitants. Olé ! Et pour qui est déjà allé là-bas, il ne fait aucun doute que ce sont tous des gens passionnés qui ont le sang chaud. Si tu observes par exemple une Andalouse sulfureuse qui danse le flamenco et qui vient vers toi, crois-moi, tu ne feras pas le mariole. De la même manière, lorsqu'une bande d'aficionados andalous provoque une énorme bronca dans la Plaza de Toros de Córdoba, tu te dis que tu n'aimerais pas être à la place du matador. Et oui, comme de nombreux méditerranéens, les Andalous apprécient la fièvre provoquée par une intense communion populaire. Il leur faut des idoles à acclamer. Maradona lui-même s'en est aperçu en 1992 lorsqu'il est venu jouer quelques mois au stade Sanchez-Pizjuan pour le compte du FC Séville. Ce fut de la pure folie. D'ailleurs, en Andalousie, il y a toutes sortes de clubs de supporters, voire de fanatiques, qui parfois conduisent jusqu'à l'aveuglement. C'est un club qui est composé à 98% de femmes, dont la moyenne d'âge se situe dans la quarantaine. Les femmes qui font partie du fan club sont en général des mères de famille qui sont malheureuses, qui sont seules ou qui sont tout simplement amoureuses de Julio, de ce qu'il représente. Il est d'une élégance rare, il est espagnol, il a une pointe d'accent quand il parle, quand il chante. J'ai chanté. Pourquoi je l'aime? Je ne sais pas. Oui, parce qu'il me donne des émotions, il me charme, il me séduit. Et qu'est-ce que vous aimez particulièrement chez lui? Tout, sa voix, son physique, tout. Et si on vous donnait la possibilité d'être avec lui pendant une demi-heure en tête-à-tête, qu'est-ce que vous lui demanderiez? De me faire la bise. Pour les esprits pervers, je répète que cette femme à l'accent espagnol a bien dit « la bise » et pas autre chose pendant cette demi-heure avec l'inénarrable Julio Iglesias. Cela étant dit, attention, en Andalousie, il n'y a pas que les hommes qui provoquent de telles passions sensuelles. Tiens, regarde Prosper Mérimée par exemple. Il est tombé dans le panneau et il a beaucoup couru après son insaisissable Carmen. Une rose sauvage fleurissait son corsage, un si joli corsage, pas si sage, sage, sage que ça. Andalousie, terre de tous les contrastes. Car si le corsage de la gitane Carmen ne fut pas si sage, à l'opposé, certains Andalous continuent encore aujourd'hui à vouer un culte sans limite au Christ et à sa sainte daronne, la Vierge Marie. Ainsi, écoute bien ce que tu observes lorsque tu as la chance d'être à Séville durant la Semaine Sainte. Regardons les passés. Christ du Grand Poder, Christ de la Lance, Christ du Calvaire, Vierge de la Estrella, de la Iniesta, de la Macarena, celle-ci suivie de ses soldats romains, confrérie grave et tout de noir vêtue du Silencio qui défile dans un recueillement que toutes n'observent pas également. Bien que l'on doive reconnaître qu'un profond désir de pénitence anime la plupart de ces Nazarenos aux visages inconnus. Visages inconnus et pénitents, certes, mais bon, moi je peux te dire que le soir, après la procession catholique, là, quand tout le monde se retrouve à la bodega, les Andalous, tous les mêmes, hein. Aïe los playboys de profession vestidos por cardin calzados por Carville. Que usan Ferrari por la pompa y la playa cuando van che Cartier Omar del Plata. Nada de eso envidio yo, créalo, créalo. Yo tengo un pito azul, algo superior, de gran calidad, marca Crack Boom U. Las niñas mueren de amor, Crack Boom U, Crack Boom U, Crack Boom U. Las niñas mueren de amor. C'est vrai qu'en Espagne, et particulièrement en Andalousie, il y a de très beaux hidalgos. Tu croises régulièrement des playboys. Mais là encore, il faut faire attention, car il arrive parfois très vite qu'un simple détail vienne ruiner le mythe du bel andalou. En espadrille, on a l'air d'un con, on a des ampoules, on danse le disco. En espadrille, ça pue les pieds, en espadrille. En espadrille, on rachète une paire au bout de trois semaines. En espadrille. C'était un message de la collectivité des Tongs. En espadrille. C'est vrai que cet été, je ne sais pas pourquoi, les hommes ont ressorti les espadrilles, surtout en Espagne. Ça va pas, non. Mieux vaut encore porter des Tongs. Et puis, en Andalousie, tu ne croises pas que des Andalous, dis donc. Et non, il y a aussi énormément de touristes. D'ailleurs, c'est la première source de revenus pour la région. Donc, tu trouves les Allemands à Malaga, les Anglais à Marbella, les Français un peu partout, qui braillent comme d'habitude et qui adorent les castagnettes. Que l'Espagne est belle, avec ses castagnettes. Vous avez été en Espagne, vous ? Moi, j'y étais. Même que j'ai connu une señorita là-bas, que je lui ai dit « castagnettes ». Parce que je parle un petit peu espagnol. Je lui dis castagnette. Elle me dit casta quoi? Je lui dis niette. Elle m'avait pris pour un russe. Parce que j'avais dit niette. Je suis français, moi, je suis français. Et j'aime pas beaucoup qu'on me prenne pour un russe. Surtout quand je parle espagnol. Oh, je la connais, l'Espagne, je la connais très bien. Je peux vous en parler savamment, savamment, parce que j'ai étudié l'Espagne d'une façon, très complète. Et je peux dire qu'en Espagne, il y a beaucoup, de castagnettes. Castagnettes. Alors maintenant, pour étoffer notre panorama des différents personnages que tu peux croiser sur les routes andalouses, comment ne pas évoquer le plus mythique, mais aussi le plus controversé d'entre eux, le célèbre Matador. Le mieux, je crois, c'est d'écouter Jean-Paul Belmondo tenter de convaincre Jean Gabin qu'il est le plus grand des toréadors. On découvre ça juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Je te présente un Matador. Enchanté, monsieur. Mais je te promets pas qu'il soit tout à fait authentique. Les manières se perdent. C'est jamais couché si tôt, Madrine. J'espère qu'elle me fera tout de même la grâce d'assister à mes débuts aux arènes monumentales. Je lui ferai part de votre aimable invitation. Il y aura du monde. Luis Miguel attire toujours la foule. Il y a longtemps que je rêve de triompher à Madrid. Le public sera exigeant. Surtout derrière Miguelito. Je vais être obligé de prendre des risques. Eh ben, j'espère que tout se passera bien. Je mettrai mon costume blanc, celui de mes débuts. Vous vous souvenez de cette noviada de Tolène? Ce vent froid, ce public affreux, et ce taureau qui voulait pas mourir. Moi, depuis, j'en ai stocké plus de 100. Je suis plus grand matador français, Gabriel Fouquet. Plus grand que Pierre Schull. Yo soy unico. Vous intéresse, papa? Peut-être. Qu'est-ce qui vous intéresse? Le matador, le taureau ou l'Espagne? Le voyage, notre façon de voyager. Tu fous qu'à moi aussi, il m'est arrivé de boire. Et ça m'a envoyé un peu plus loin que l'Espagne. I saw somebody who reminded me of you. The Songs That We Sing chante Charlotte Gainsbourg sur son nouvel album parce que cette semaine, la chanson que nous chantons tous depuis le début de l'émission et au moins jusqu'à ce soir, c'est clair, c'est la belle de Cadix, Chica Chica Chic, aïe aïe aïe. Alors pour poursuivre notre voyage en Espagne, la panique au Mansion Palace à 11h32 va maintenant te dévoiler les coulisses du bref séjour qu'a effectué Nicolas Sarkozy de l'autre côté des Pyrénées. En effet, Nicolas s'est rendu à Madrid le vendredi 29 septembre dernier pour la réunion sur l'immigration des 8 pays méditerranéens de l'Union européenne. Les journaux ont bien sûr rapporté que la réunion des ministres européens fut très tendue après les déclarations de Nicolas Sarkozy critiquant ouvertement la régularisation massive des clandestins faite par le gouvernement Zapatero. Mais en revanche, rien n'a été dit de la réponse de Zapatero à propos de Sarkozy. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce Minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Que ce monde est sérieux. Zapatero était donc en train d'aiguiser ses banderillas, prêt à mater le critique ministre de l'Intérieur français, quand Nicolas lui a répondu que de toute façon, il préférait l'ancien président du gouvernement espagnol, José María Aznar, et même plus encore le socialiste Felipe González, de qui Nicolas a gardé un très bon souvenir. Petit González, je t'en prie, reviens. Pourquoi donc t'en vas-tu si loin? Parce que j'ai rendez-vous avec la belle Anna. C'est d'ailleurs à Felipe González que Nicolas Sarkozy a confié toute sa rancœur envers les socialistes français. Car il a mené son enquête, Nicolas, et il sait bien ce qu'on pense de lui au Parti Socialiste. Les gens m'ont dit quoi? Sarkozy, on n'en peut plus. On n'en peut plus. J'ai dit, on n'en peut plus de quoi? On n'en peut plus de Sarkozy. On n'en peut plus de devoir baisser la tête parce que M. Sarkozy nous rend la vie impossible. Débarrassez-nous de Sarkozy. On n'en a plus qu'assez. On veut vivre tranquille. On est des honnêtes gens. Voilà ce qu'ils disent dans les quartiers. Allez les écouter, les gens. C'est après cet aveu terrible que, pour Nicolas, le voyage ibérique a basculé. Prétextant une énième migraine, Nicolas est rentré à son hôtel de bonne heure, de si bonne heure qu'il surprit la femme de chambre, une grande brune, en train de faire son lit. Vous êtes la nouvelle femme de chambre? Oui, monsieur, je suis arrivée ce matin. Vous êtes espagnole? Oui, monsieur. Vous parlez très bien le français. De quelle région êtes-vous? Je suis andalouse, de Séville. Ah, je connais l'Andalousie, j'aime beaucoup. Laissez ça, venez. Je n'ai pas l'intention de vous traiter comme une domestique. D'ailleurs, vous n'êtes pas une domestique. Vous le voyez bien. Asseyez-vous, je vous en prie. Et quel âge avez-vous? 18 ans. Qu'est-ce que vous pensez de moi? Je vous connais à peine. Mais attendez un instant, j'ai quelque chose de sérieux à vous dire. Et oui, si la femme de chambre n'était pas partie si rapidement, Nicolas lui aurait sans doute dit à quel point il la trouvait séduisante. Nicolas se lance alors à la poursuite de la femme de ménage et la rattrape juste avant qu'elle n'entre dans l'ascenseur. Et là, dans ce palace madrilène, Nicolas dit à l'Andalouse... Mais la belle Andalouse ne veut rien savoir. Elle connaît trop la réputation du petit Français et... Non, seigneur, ce n'est pas la peine d'insister. Elle ne veut pas dîner avec lui. Une fois encore, le pauvre Nicolas est confronté à son image négative. Alors Nicolas tente tout de même de persuader sa belle. En mi pueblo sin pretensión tengo mal reputación. Que haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. La belle Andalouse menace alors d'appeler la Guardia Civil si Nicolas ne la laisse pas tranquille. Nicolas lui demande alors pourquoi se refuse-t-elle à lui? Parce qu'il est trop petit, trop français, trop ministre ou alors parce qu'il est trop nerveux? La belle Andalouse lui répond que question nervosité, avec son mari sévillant, elle est déjà servie. Tico tico par ici, tico tico par là, dans tout Séville on n'entend plus que ce nom-là. Il passe par ici, il va passer par là, comme il est beau dans son costume de gala. Pompé des sombreros, les cuisses bien à plat, c'est quand j'ai mal, il se promène un petit pas. Il s'amuse la chambre, on lui fait des gomines, il fait rêver tous les jumeaux de la rame-là. L'Andalouse a donc déjà un amoureux. Mais ce n'est pas grave, Nicolas, ça ne le gêne pas, il n'est pas jaloux. Pourtant, la belle repart à son ménage et Nicolas, désespéré, regagne sa chambre d'hôtel. Alors qu'il se décontracte dans son bain moussant, Nicolas Sarkozy a une idée de génie. Il appelle le concierge pour commander un café au lait. Et bien entendu, la belle femme de chambre Andalouse vient servir Nicolas en peignoir. Comme à son habitude, Nicolas, il est tout excité. Je t'adore, oui, yo te quiero, mi amor. Si, si, si, si, si, si, quelle ivresse que tes caresses, quelle ivresse. Si, si, si, si, si, si, tu m'affoles par tes paroles espagnoles. Si, si, si, si, si, si, buenas noches, mon amour, mi amor. Si, señor. La femme de chambre n'en peut plus de ce touriste insistant. Elle lui sert rapidement son café au lit et une nouvelle fois s'en va, mais ce coup-ci en claquant la porte. Nicolas, qui est un homme plein de ressources, comme chacun sait, décide d'appeler la réception et demande à parler à la femme de chambre. Hola. Escucha, mamá está ahí. Corre y dile, mamá, ven es para ti. Dile, por favor, dile que es importante que te oiga yo. Oye, tú le has hecho algo a mi mamá, ella me hace siempre signo y me dice muy bajito, dile que no estoy. Nicolas raccroche. Résigné, il ne tirera rien de cette femme andalouse si farouche. Le mieux pour lui, c'est de téléphoner chez lui. En France, car depuis quelques mois maintenant, il y a à nouveau quelqu'un qui répond à la maison. Cilia, ton lit est trop dur, pourtant il fait de beaux rêves. Oh Cilia, ton vin est trop doux, mais j'aime son goût sur tes lèvres. Cilia, quand on a 20 ans, Cecilia, d'origine espagnole, remarque-le au passage, est heureuse. Elle sait que grâce à Nicolas, elle va faire à nouveau la une de Paris Match. Mais décidément, ces Espagnols-là, ils commencent à lui sortir par les yeux à Nicolas. Entre les régularisations massives et la pudeur des señoritas, ici, il ne se sent pas trop VIP. stylé, ok, funky, trop drôle, samedi, trop cool, extra sympa, puissant, dément, piscine, villa, champagne, taxi, ify, Dolby, Botox, glamour, sexy, crazy. T'es trop VIP! T'es trop VIP! Sans VIP, c'est la forte dose de strass et paillettes que nous propose Philippe Catherine. Et c'est vrai qu'en Andalousie, du philosophe Sénèque à l'empereur Adrien, de Pablo Picasso à Diego Velázquez et de Paco de Lucía à Antonio Banderas, c'est sûr, là-bas, ça a toujours été 100% VIP. Alors, pour continuer notre petite exploration, toujours à la recherche de l'âme andalouse, il est grand temps désormais, à 11h43, de retrouver nos deux aficionados, Monica et Juan Claudio. Souviens-toi, la semaine dernière, nous te racontions qu'il y a 15 jours, Jean-Claude avait été hospitalisé pour une série d'examens à propos d'une bronchite chronique. Eh bien, pour le remettre d'aplomb, dans la foulée, Monique a décidé le week-end dernier de lui offrir un bref séjour sous le soleil de Séville, en Andalousie. Avant de partir, Jean-Claude a demandé quelques bons plans à son chef de service au bureau, puisque justement, il y a passé 10 jours au mois d'août. Mais bon, visiblement, le chef de service du Jean-Claude a conservé une image assez particulière de l'Espagne. Mais dis donc, ce que je savais pas, l'Espagne, c'est à quel point c'est pauvre. Il n'y a pas de viande. La boucherie, c'est un cirque. D'ailleurs, c'est dans un cirque. Il tue les bœufs à l'épée. Saviez ça? Il lâche un bœuf, et il y a un mec qui rentre avec un costard à paillettes, pratiquement habillé en poisson. Parce qu'ils ont pas de viande, mais les bouchers sont bien sapés. Ils arrivent là, le mec il court après avec son épée, il l'énerve avec son manteau et tout, et à chaque fois qu'il le rate, les mecs qui attendent pour bouffer, allez ! Il y a un bœuf, il y a un monde ! Le mec il tue, il a deux oreilles et la queue, c'est pour vous dire la misère, hein ! Ah ça, évidemment, les conneries du patron, ça fait marrer tout le monde au bureau. Jean-Claude, lui, trouve ridicule la facilité de ce mépris pour nos voisins sibériques. Cela dit, son patron lui a tout de même recommandé un petit hôtel très sympa et bon marché au cœur de la vieille ville de Séville, tout près de l'Alcazar. Seulement voilà, quand Monique et Jean-Claude se pointent à la réception, il y a un énorme souci. Leur réservation est annulée car l'hôtelier vient de voir débarquer toute sa belle famille. Lo padre, la madre, le 12 chiquitinas, gran padre, gran madre, un arme de cousinas, un oncle, sa fama, venu de Sarragós, avec lor 4 gos, et la tantina de Burgos. Jean-Claude est furax et se dit que ce n'est pas un hôtel, ça, c'est une auberge espagnole. Bien sûr, très embarrassé, l'aubergiste finit par leur dégoter une charmante petite pension juste à proximité. Une fois installés, Monique et Jean-Claude décident bien entendu d'aller profiter de la douceur sévillane. Ils se promènent le long du Guadalquivir sur l'avenue Christophe Colomb. Au bout d'une demi-heure, Jean-Claude constate amèrement que Monique est plus que troublée par la virilité de ces hommes du Sud. Jean-Claude dit alors à Monique qu'en réalité... Tu voudrais que je sois andalou, que je tombe à tes genoux avec une corde au cou. Tu voudrais que je sois riche. riche et beau, racé comme un hidalgo qui n'a pas peur des taureaux. Avec toi, il faudrait toujours vivre. Monique trouve complètement grotesque cette crise de jalousie du Jean-Claude. De toute façon, il est 22h30, il est donc l'heure de dîner. Ils choisissent de s'installer dans un endroit sublime, le plus vieux bar à tapas de Séville, El Rinconcilio. Ça tombe bien. À la table d'à côté, Jean-Claude remarque trois hidalgos qui semblent être passionnés par la tauromachie. Et pour impressionner Monique, Jean-Claude entame avec eux une discussion et leur demande notamment quel effet ça fait quand on participe à une corrida pour la première fois. L'un d'eux lui décrit comment ça se passe. Le taureau est devant toi. Sur les gradins, la foule se déchaîne. Mais toi, tu ne l'entends pas. Et puis, soudain, plus un cri, plus un rire. L'un de vous deux va mourir. C'est ta première corrida. Et la peur est avec toi. Car tu le sais, tout à l'heure, la victoire va venir couronner le plus fort. Et pour tous ceux qui t'acclament déjà, tu peux devenir un matador. La la la la la la la la la la la la la la la la. Oh là, intérieurement, Jean-Claude se dit qu'ici, les ibères sont rudes et que Matador, ce n'est sûrement pas pour lui. Tout cela étant dit, Monique et Jean-Claude sympathisent avec ces trois Espagnols et décident alors de continuer la nuit avec eux dans une bodega à l'ambiance torride. À la Bodeguita Antonio Romero, il y a foule ce soir. Les clients se serrent le long du comptoir pour déguster une excellente sangria. Il y a là quelques sublimes danseuses de flamenco, mais également de vieux sévillans qui se remémorent le retour dans l'arène du vieux matador El Cordobés, il y a 10 ans déjà. Au bout d'une heure, Monique, elle, est ravie d'être à Séville. La sangria coule à flot, Monique est déchaînée, sulfureuse. Elle danse en compagnie de Ramon, un des trois Espagnols. De son côté, Jean-Claude lui aussi a pas mal picolé de sangria et il est en pleine discussion avec un vieux berger espagnol qui lui explique comment il y a longtemps déjà, il avait su séduire la plus belle fille de Grenade. Je me suis formé une espèce de mélange d'excréments de chèvre. Parce que les excréments de chèvre, ça m'excite beaucoup sexuellement. Alors je pensais que ça allait exciter Gala la même chose. Alors j'ai mêlé la colle de poisson. Et après, j'ai mis de l'aspic. Un aspic qui était d'ailleurs très décomposé. Alors le tout puait d'une façon invraisemblable. Et j'ai commencé la séduction, qui a très bien marché. Enfin, c'est question en question d'une semaine, il était amoureux de moi. Jean-Claude demeure perplexe face à cette technique de drague si particulière. Au même moment, Monique et Ramon sont de retour près du comptoir pour s'enfiler une énième sangria. Quand tout à coup, Ramon saisit Monique contre lui et lui dit que... Ya sabes, ya sabes. Esta noche me siento tan solo y perdido. Porque no estás. No comprendo, Ramon. Y mis recuerdos están llenos de ti. De tu primavera. C'est chaud. Una playa nuestra, donde fui arena para sostenerte. Un mar nuestro, donde fui la ola que te llevaba. Mais qu'est-ce qu'il fout, Jean-Claude? Tu presencia. Pequeñas cosas. Y ahora este vacío, sin poder mirar hacia el futuro. Solo, sin ti. Monique, oppressée, se demande bien où est passé Jean-Claude, qu'elle aimerait bien voir débouler rapidement. Mais Jean-Claude, lui, euphorisé par l'alcool, après avoir pris congé du vieux berger espagnol, décide tout à coup de monter sur la scène pour faire partager ses talents de musicien. Il attrape vite fait une guitare et Jean-Claude tente alors de faire monter un peu plus encore la fièvre dans la bodega. J'ai la guitare qui me demande, alors je gratte un petit peu. Ça fait du bien dans les phalanges, mais ça fait pas très sérieux. Y'a rien à faire pour que ça change, faut se faire une raison. J'ai la guitare qui me démange, alors j'écris des chansons. Bien sûr, c'est sous une bronca terrible que Jean-Claude doit quitter Fissa, la scène de la bodega. Il se dit à nouveau que, franchement, Libère est rude et surtout qu'il est traité comme un chien andalou. D'ailleurs, on lui demande de quitter rapidement les lieux. On n'aime pas les provocateurs ici, seigneur. Il récupère alors Monique et s'engouffre à toute vitesse dans un taxi pour rejoindre leur petite pension près de l'Alcazar. Dans la voiture, encore toute saoule, mais surtout soulagée d'avoir retrouvé Jean-Claude, Monique ne cesse de brailler sa joie d'être à Séville. Le reste du week-end andalou fut merveilleux pour Monique et Jean-Claude. Entre la visite de la Torre del Oro et le petit tapas du Barrio Santa Cruz, ils sont rentrés requinqués pour affronter l'automne, fin de l'histoire. Cela dit, depuis, Jean-Claude demeure tout de même intrigué par cette technique de drague du vieux berger espagnol qui, soi-disant, avait réussi à séduire Gala, la plus belle nana de Grenade. Jean-Claude se dit que, décidément, il ne comprendra jamais tout à fait les femmes. Les femmes, vous les charmes, vos sourires nous attirent, nous des âmes. Vous les anges, adorables, et nous sommes, nous les hommes, pauvres diables. Avec des milliers de roses, on vous entoure, on vous aime sans le dire, on vous l'éprouve. On se croit très fort, on pense vous connaître. On vous dit toujours, vous répondez peut-être. Vous les femmes, vous mon drame, vous si douce, vous la source de nos larmes. Pauvre diable, et nous sommes vulnérables, misérables, nous les hommes. On fait tout pour se calmer, puis on éclate. On est fou de jalousie et ça vous flatte. Vous les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent, nous désalment. Pauvre diable, et nous sommes vulnérables, misérables, nous les hommes. Pauvre diable, pauvre diable, pauvre diable. Pauvre diable, chante en 1979 le seigneur Julio Iglesias, Jules des Églises en français, c'est sûr, ça sonne moins bien. Mais bon, grand séducteur quand même et surtout tombeur de femmes, Julio qui a un peu la même passion que son père qui lui était gynécologue. Alors nous voici donc arrivés au terme de cette émission consacrée à l'Andalousie du poète Federico Garcia Lorca aux Castagnettes de Bourville, de Séville à Cadix et de l'Andalouse de Sarco au Matador de Monique. Nous avons tenté de te dresser un panorama subjectif de ce que peuvent être les terres andalouses. Alors, c'est quoi l'Andalousie ? Eh bien, administrativement, c'est l'une des 17 communautés autonomes espagnoles. C'est également une région avec une forte identité et au passé chargé. L'Andalousie a vu naître des empereurs romains comme Adrien ou Trajan, des philosophes comme le romain Sénèque et l'arabe Averroès, et fut aussi le carrefour de plusieurs civilisations. Et sans tomber dans l'angélisme d'une Andalousie paradisiaque et totalement tolérante, il n'en reste pas moins vrai qu'aujourd'hui encore, et peut-être plus que jamais, cette terre multiculturelle fait figure d'exception dans l'histoire.